Besoin de 51, c'est des petits joueurs sur grand terrain. Leur disque interne, pas plus d'un terra. Je m'en vais sur Titan ou sur Novaterra. Ça pousse en zoom dans du terreau. Quand ça sort, c'est moche, y'a pas de surprise. Tout le temps, les mêmes fougazis que je vois au terreau. Je passe en coup de vent, tu peux m'appeler la brise. Fais pas la vie, j'suis pas de l'épaule, j'veux pas de cheese. J'entends pas ce que tu dis, faut que ton école de rap, tu cherches le 10. C'est des petits, mais ils se prennent pour des montagnes. Mon grand-père dirait que ça leur vaudrait bien une bonne tarte. À chaque fois qu'ils font un truc d'art, c'est bâti sur des montages. Pendant qu'on bâtit tout, bien comme il faut autour de la montagne. J'suis en roue libre sur la piste avec Medji comme un club de motards. J'suis en retard comme le premier média français. Rap bande de bâtards. J'viens d'une famille qui construit toutes ses propres mains, même sa maison, tout s'explique. En rap aussi, j'ai une famille qui crie famine. Obligé, tu fermes ta gueule quand on s'exprime. Pour vous, ça va trop vite. J'tends l'oreille, pas mon cul, et j'fais bélec où j'mets ma bite. Bien sûr que j'fais bélec, le soir c'est pas là où t'habites. J'suis un peu fou mais gentil, j'ai juste quelques rites. En ce moment y'a un truc qui passe pas, c'est pas matraqué. Salut, j'enquille sur les vrais gars. Laquille sur les 7, on fume merde. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêts sur la scène, fire, il faut des fans. J'enquille sur les vrais gars. Laquille sur les 7, on fume merde. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêt sur la scène, fire, il faut des fans. J'ai sondé l'esprit, maintenant faut viser plein de choses. Si t'étais la risée d'une équipe en bas des billes. Sur la rue de Spi, j'dis pas que j'suis en bas des blocs. Mais les MC s'étouffent et ça taffe débile. Ça pratique l'attaque, mais on s'en champ de bataille. J'vois pas trop de racailles, c'est des fils de riches. J'm'applique tandis qu'ils sentent la distance. Tu fais le dandy, fils sans cette puissance. Ouais c'est sûr, j'fais mes textes extensibles. Très extensibles, depuis le temps on clash plus nos extensibles. C'est facile la trappe, je vois tous mentir. Un foot d'un 16 mesures, j'écris à l'escousse. À la rescousse dans le placard, ta carrière en express, t'as qu'à venir en être sûr. Yeah. Mes potes virent en raid sûr. Dans la verge, mes vats, mes verres deviennent très rares. Yeah. J'encaisse, on est vrai gars. Dans la caisse, on est 7, on fume l'herbe. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêt sur la scène, fire, il faut des fans. J'encaisse, on est vrai gars. Dans la caisse, on est 7, on fume l'herbe. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêt sur la scène, fire, il faut des fans. Yeah. J'encaisse, on est vrai gars. La caisse, on est 7, on fume l'herbe. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêt sur la scène, fire, il faut des fans. J'encaisse, on est vrai gars. La caisse, on est 7, on fume l'herbe. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêt sur la scène, fire, il faut des fans. J'encaisse, on est vrai gars. La caisse, on est 7, on fume l'herbe. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêt sur la scène, fire, il faut des fans. J'encaisse, on est vrai gars. La caisse, on est 7, on fume l'herbe. On fume l'herbe. Trop d'effets dans nos paroles. On est prêt sur la scène, fire, il faut des fans.